الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد. وعليكم السلام ورحمة الله. فهذا الدرس 19 في كتاب مورد العذب الزلال للشيخ العلامة الشيخ أحمد النجمي حفظه الله تعالى خيرنا الله عز وجل. Voici le 19e cours dans l'étude de ce livre de Cheikh, de son éminence, Cheikh Najmi Hafidhahullah Ta'ala, dont le titre est « La source délicieuse et abondante dans la critique de certaines voies, de certaines croyances et de certaines voies dans le da'wah ». وهذا المجلس بقراءة حاشية حول ترجمة البنا رحمه الله وبحكم أننا بصدد دراسة للإخوان المفلسين لا بد أن نعرف من هو المؤسس، فمن خلاله سيتبين لنا منهج وأصول هذه الجماعة. ومما لا شك فيه أن البنا كان رجلا ذكيا ونشيطا، وكل هذا معروف عنه. دونك نزلو ليغ سيغتان بيوغرافي une biographie de Cheikh Hassan al-Banna rahimahullah, que cite ici Cheikh Najmi hafidhahullah ta'ala. Et puisque nous arrivons au chapitre qui est consacré à l'étude des erreurs de l'Ikhwa al-Muflisoun, il est obligatoire pour nous de connaître qui est le fondateur, car en connaissant le fondateur de ce groupe, nous allons connaître la voie et les fondements de ce groupe. Il n'y a aucun doute que le Banna était doué d'intelligence et il était très actif. Tout ceci est connu de lui. Le Banna كان معلما ومن هنا يتبين لك خطورة هذه المهنة. فعندما سألت أحد الأخوات الفرنسية الشيخ ربيع حفظه الله تعالى هل يجوز لنا إرسال الأولاد إلى مدارس الكفر بلاد الكفر، قال لها لا. وقالت له وهل يجوز لنا أن نرسلهم إلى مدارس الإخوان، فقال لها لا، لأنه حفظه الله تعالى يعلم شر هؤلاء. دوك البنا était instituteur et partant de là il apparaît combien ce métier d'instituteur, combien les métiers d'enseignement sont très dangereux dans le fait d'influencer les gens. Quand une des sœurs en France a appelé Cheikh Rabi Hafidhahullah Ta'ala il y a quelques années en arrière, nous demandons est-ce qu'on peut envoyer nos enfants aux écoles dans les pays des mécréants. Il a dit non. Il lui a dit est-ce qu'on peut les envoyer dans des écoles qui sont des écoles d'Yel Ikhwan. Il lui a dit encore moins, encore non. Pourquoi cette réponse de la part de Cheikh Rabi Hafidhahullah Ta'ala? Parce qu'il sait le mal qui sort de d'Ikhwa al-Muslimin. Il sait que Ikhwa al-Muslimin, en envoyant nos enfants chez eux, ils vont les détruire à la base. Fal-Banna استغل هذه المهنة، وكذلك الإخوة المفلسون من بعدي إلى اليوم، فانظر من أو حولك في مشارق الأرض ومغاربها أين يتغلغلون. الإخوان المفلسون يتغلغلون في المؤسسات التعليمية، الجامعات، السكن الجامعي، المدارس، المعاهد، الكلية، وبحكم الدعوة التي كنا نقوم بها في السكن الجامعي في ليل احتكنا بهم وحاربونا وأمروا بعدم حضور دروسنا، والله سبحانه وتعالى أيدنا، ولا زالت الدعوة السلفية تواجههم في سكن من السكنات الجامعية. فالإخوان أعظم مجالهم وزارات التعليم وملحقاتها والمدارس والجامعات والروض الآن. ولن نكون مبالغين إذا قلنا أن 90% ممن تلقوا منهج الإخوان وأصول الإخوان تلقوا في الأوساط التعليمية، وهذا معروف، وهذا ظاهر وواضح كوضوح الشمس في رابعة النهار. دوك البنا profiter de la situation d'inquisiteur ainsi que les frères après lui ainsi que tous les frères musulmans après lui jusqu'à nos jours. Regarde autour de toi, à l'est de la terre et à l'ouest, que ce soit ici en Europe ou ailleurs, les Ikhwan, ils sont actifs dans le milieu de l'enseignement, dans toutes les institutions de l'enseignement, que ce soit les universités, que ce soit les campus, que ce soit les instituts, que ce soit les facs, les universités, etc. Comme nous avons, avec certains de nos frères aussi, comme Abbas et autres, et notre frère Ammar aussi, pendant plusieurs années, fait da'wa dans le milieu universitaire et dans l'un des campus dans la région de Lille, étions confrontés à eux, ils nous ont fait une guerre terrible. Ils ordonnaient aux gens, et ils avertissaient contre le fait de venir à nos cours dans ce campus. Allah subhanahu wa ta'ala a fait que nous avons pris le dessus sur eux. Et la da'wa salafia continue à les combattre là-bas, dans le campus de Camus, au nord de la France. Là, tu as parlé que les Khwal Muslimoun, les Khwal Muflisoun, leur terrain le plus favori, c'est tout ce qui concerne l'enseignement. Que ce soit les ministères de l'enseignement, que ce soit les annexes de l'enseignement, que ce soit les écoles, les universités, les facs, les instituts. Et même maintenant, ils prennent les gens et les petits à bas âge. Maintenant, c'est carrément dans les maternelles. Nous ne nous exagérons pas quand on dit que 90% des Ikhwan ont appris la voie et les fondements de l'Ikhwan dans le milieu de l'enseignement. Et ceci est connu à travers la planète, pas tout simplement en Europe, mais à travers la planète. وخطر الإخوان أنهم يتغلغلون في المؤسسات التربوية. والآن قبل الابتدائي يريدون إضاعة الصغار سمومهم الفتاكة. وهذا كذلك تنهجه جماعة ياسين في المغرب وهنا في أوروبا. وما جماعة ياسين إلا جماعة تنهج منهج الإخوان. Donc, de là il t'apparaît le danger des frères musulmans, et de le danger de cette secte. Et ils sont très actifs dans les institutions de l'enseignement. Et maintenant, même avant le primaire, maintenant, ils veulent donner dans le biberon leur menhej et leur poison à nos petits enfants. Ainsi fit Jamaat Yassin, l'Yassinite au Maroc, et ici en Europe aussi. Jamaat Yassinin, Nune, c'est une réplique, c'est une photocopie d'Ikhwan al-Muslimoun avec quelques particularités. Fahassan al-Banna قال في كتاب النقط فوق الحروف لأحمد عادل كمال صفحة 81 قال ولد الأستاذ حسن البنا بقرية المحمودية مديرية البحرية بمصر سنة 1904 وهذا يوافق سنة 1323 أو 24 للهجرة وتلقى أول دراسته في كتاب القرية في المدرسة الإعدادية بالمحمودية ثم في مدرسة المعلمين الأولية بدمنهور ثم في دار العلوم بالقاهرة وقد تميز في كل هذه المراحل بأنه كان دائما أول الناجحين حيث كان موضع فخر أساتذته ورعايتهم وكان من المتوقع أن ترسله وزارة المعارف لإنجلترا وفرنسا على عادتها في إفادة أوائل الحاصلين على دبلوم دار العلوم، لولا ظروف خاصة جعلت الوزارة تخرج عنها عن ذلك التقليد. حسن البنا كوم لا يكري أحمد عادل كمال دون سون ليفر لي بوان سور لي إني دون لو فيلاج ديال المحمودية كي في بارتي دو d'une région qui s'appelle le Bahira, en Égypte. Il est né en 1904 de l'ère chrétienne, ce qui correspond à 1923 ou 1924 de l'ère de l'Égypte. Son premier enseignement, il l'a appris dans les cours coraniques du village d'El Mahmoudia, et après il a étudié à l'école des instituteurs à Damanhour, et après à la maison des sciences au Caire, et dans toutes les étapes de son apprentissage, il s'avère qu'il était doué et qu'il était le premier de sa classe toujours. Et il était la fierté de ses profs, et ses profs s'occupaient bien beaucoup de lui. À tel point que le ministère de l'enseignement allait l'envoyer en Égypte, en Angleterre ou là en France. Et ça, c'était une coutume à cette époque au ministère de l'enseignement en Égypte d'envoyer les premiers et ceux qui sont particuliers dans leurs études vers la France ou là vers l'Angleterre après avoir eu le diplôme de Dar al-Uloum. Mais il y a eu des situations particulières qui ont fait que le ministère n'a pas respecté cette tradition. وحصل الأستاذ على دبلوم دار العلوم ولم يبلغ الحادية والعشرين من عمره، فتم تعيينه مدرسا بمدرسة الإسماعيلية الأميرية في الدرجة السادسة، وتسلم عمله في 20 سبتمبر 1927، واستمر بعد ذلك مدرسا في المدارس الابتدائية 19 سنة، لم ينل فيها الدرجة الخامسة إلا بحكم قانون الموظفين المسنين. Donc il a eu son diplôme, Hassan Benna a eu son diplôme à l'école, à la maison des sciences, alors qu'il avait à peine 21 ans. C'est à peu près la même époque où il va fondre la secte de l'Ikhwa al-Muflisoun. Il a été désigné comme prof à l'école de l'Ismaïlia, avec l'échelle 6, et il a été à son poste le 20 septembre 1927. Ça correspond à peu près aux mêmes dates, à quelques mois près de la fondation de la secte d'Al-Ikhwan. Et il a continué à être instituteur dans les écoles primaires pendant 19 ans. Il n'a pas eu, on lui a pas donné l'échelle 5. On lui a donné que parce qu'il a atteint un certain âge. Tout simplement, par le fait de l'âge. وفي ماي 1946 استقال الأستاذ من وظيفته بوزارة المعارف بمناسبة إنشاء الجريدة اليومية للإخوان المسلمين. انتهى، وهذا من كتاب النقط على الحروف بتصرف من الصفحة 81 إلى الصفحة 83. Et en mai 1946, il a démissionné de son poste de ministère de l'enseignement à l'occasion de la fondation et de la création du journal quotidien des frères musulmans. Tout ça, vous allez le trouver dans les points sur les i de Ahmed Adil Kamal, de la page 81 à la page 83 avec quelques modifications. Et قول الشيخ النجمي حفظه الله قلت قد نشأ البنا من أول يومه ونعومة أظفاره نشأة صوفية، وقد ذكر ذلك البنا نفسه في كتابه مذكرات الدعوة والداعية مفتخرا ومغتبطا، فقال في صفحة 27: وصحبت الإخوان الحصافية بدمنهور وواظبت على الحضرة، والحضرة هي الذكر المبتدع والإنشاء والرقص في المساجد والزوايا، وواظبت على الحضرة بمسجد التوبة في كل ليلة. ثم قال: وحضر السيد عبد الوهاب المجيز في الطريقة الحصافية الشاذلية، وتلقيت الحصافية الشاذلية عنه وآذنني بأدوارها ووظائفها. وها هنا سؤال من خلال هذه الفقرة: هل البناء كان سلفيا؟ هل البناء من خلال ما سمعنا جلس إلى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، أو الشيخ عبد اللطيف بن حسن، أو جلس إلى ابن باس أو العتيمين أو غيرهم؟ كلا ثم كلا، لم يكن ذلك، بل أخذ عن الصوفية وأجيز من قبلهم، وكان يحضر الحضرة بالمساجد الصوفية. دونك البناء أغراندي depuis qu'il est petit dans un milieu soufi. Et c'est lui-même qui le dit. C'est lui-même. Il le dit lui-même dans son livre Dawa Da'iya. En étant fier de ce qu'il raconte, hein, il dit à la page 27: j'ai accompagné le frère Safit Adamanhor. Safia, c'est une secte soufie. Adamanhor, et j'ai été constant à le hadra, c'est-à-dire le hadra, c'est ce dhikr sur lequel on se réunit, et c'est un dhikr innové dans lequel il y a la récitation d'Al Anashid, et dans lequel il y a des fois, dans certains, selon la secte, la danse dans les mosquées et la danse dans les confréries, etc. Hadi al hadra. Il dit: j'étais constant à assister à l'Hadra, à la mosquée de Tawba, à chaque soirée. C'est lui-même qui l'écrit. Et il a dit après: il est arrivé, Sayyid Abdul Wahhab, celui qui donne les autorisations, qui te permet, qui te dit: je te donne le wird, je te donne le dhikr, je te donne la façon de la tariqa, je te donne la voie de la tariqa, la voie de la secte. Et je t'autorise. Il a dit, quand il est arrivé, Cheikh Abdul Wahhab, celui qui donne l'Aurad, hein, et qui te fait de toi, tu lui fais l'allégeance et tu deviens un disciple. Il a dit, quand il est arrivé, Hada Cheikh Abdul Wahhab, qui est celui qui donne l'autorisation et qui donne l'idn, hein, il donne l'idn de qui? L'idn selon la secte d'Al Hussafiya Shadiliya. Donc ça veut dire que le Banna, il était Shadili et il était Hussafi en même temps. Il a dit: J'ai eu l'ordre et l'autorisation d'Al Hussafiya Shadiliya en même temps. Et il m'a donné le rôle de faire les fonctions qu'il faut faire. C'est-à-dire que il m'a donné ses invocations, etc. Donc il est devenu, il a fait l'allégeance au chef de la secte. Donc, au lieu d'être un sympathisant, maintenant il est passé à quoi? Au grade supérieur. C'est-à-dire qu'il a pris du grade. Il a évolué. Il y a quelqu'un qui a fait l'allégeance. Ah. Et là, une question se pose maintenant. Est-ce que le Benna, d'après ce passage que nous a cité Cheikh Najmi Hafidhahullah Ta'ala, est-ce qu'il s'est assis à Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim, rahmatullah alayh, l'ex-mufti d'Arabie Saoudite avant Cheikh Ibn Baz? Est-ce qu'il a étudié chez Cheikh Abdullah Ibn Hussein? Ou là, chez Cheikh Ibn Baz, ou là chez Cheikh Taqi Dil Hilali, autre. Ou là Cheikh Al-Utaymin, autre. Non. Mais de qui il a appris? Il a appris des Sophies. Ils lui ont donné, hein. Il est devenu ma'dhoun. Il a eu l'idn. Il a eu l'autorisation du chef d'une secte, hein, qui est deux sectes à la fois, le Hussafiya et Shadiliya en même temps. Il, au lieu d'aller aux assises d'hommes de science et d'apprendre la science de la législation, il assistait à quoi? Al-Hadra, qui est un dhikr innové, qui est le fait de chanter dans les mosquées. Il voit dans certains sectes, ils sautent à tel point qu'ils font des trous dans les plafonds de la mosquée. Hein? Certains utilisent la musique. Chaque secte a là, c'est catastrophe. وقال جابر الرزق في كتاب حسن البنا بأقلام تلاميذته ومعاصره. من تم فوسي جابر الرزق نسيت دون سون ليف حسن البنا ديكري par les crayons de ses disciples, de ses élèves et de ses contemporains. Donc ses élèves, c'est eux qui parlent. Hein? Pas chercher ni les paroles d'El Cheikh Rabi', ni les paroles d'El Cheikh Najmi, ni Cheikh... Là, là, ce sont ses élèves qui parlent maintenant. À la page 8, صفحة الثامنة يقول وفي ذا منهور توثقت صلته يعني حسن البنا بالإخوة الحصافية وواظب على الحضرة كل ليلة في مسجد التوبة مع الإخوة الحصافية ورغب في أخذ الطريقة حتى انتقل من مرتبة المحب إلى مرتبة التابع المبايع بل شارك في إنشاء جمعية صوفية حصافية كما ذكر في مذكراته صفحة 28 قال أي البنا وفي هذه الأثناء بدا لنا أن نؤسس جمعية إصلاحية هي الجمعية الحصافية الخيرية وانتخبت سكرتيرا لها وخلفتها في هذا الكفاح جمعية الإخوان المسلمين بعد ذلك فمنذ متى كانت الجمعيات الصوفية تكافح هل هي تقتل الكفاح منذ متى هذا يدل لك على أن الرجل ترقى في الصوفية ترقى عندهم وهذه نشأة المؤسس كما سطره تلامذته وكما يقول هو عن نفسه Dans un autre livre, de Jabir Rizq, dans son livre, le livre il est intitulé ainsi, Hassan al-Banna, avec les crayons, avec les écrits de ses élèves et de ses contemporains. C'est-à-dire ici, on prend la parole d'El Ikhwan eux-mêmes, d'El les élèves directs d'El Hassan al-Banna. Ni les paroles d'El Ibn Baz, ni d'El Sheikh Najmi, ni d'El Sheikh Rabi', là eux-mêmes, de la maison. C'est-à-dire le témoignage ici, il fait partie d'eux. C'est eux qui témoignent directement. Page 8, il dit à Damanhour, la liaison de Hassan al-Banna était solide, devenue trop solide, avec les frères Hussafit, secte soufi. Et il était constant à assister à l'Ukhadra, à la mosquée d'El Tawba. Et il avait envie d'avoir la voix, de monter en grade, de ne plus être un sympathisant, quelqu'un qui aime la tariqa, mais d'être quelqu'un qui a fait l'allégeance. Et il l'a faite. Et il dit, et il s'est associé même à la création d'une association, Sufi Hussafit. Comme il le dit lui-même, qui, Hassan al-Banna, dans son livre, Mudakkirat Da'wa al-Da'iya, page 28, il dit, et à cette époque-là, à ce moment-là, il nous a apparu, nécessaire de créer une association Hussafit de bienfaisance. C'est une association de quoi? Sufi. De bienfaisance. Et il a dit, j'étais élu comme secrétaire à cette association. Et il dit après, mais cette association a été remplacée par les frères musulmans après. Donc, il dit, dans ce combat, l'association des frères musulmans a remplacé celle des Hussafit, de l'association de bienfaisance des Hussafit. Depuis quand les soufis font des combats? Des combats contre quoi? Contre qui? Ils font des combats pour anéantir l'associationnisme de la terre. Non, loin de là. On va voir comment ils propagent l'associationnisme sur terre. Comment ils le défendent. Donc tu vois, à partir de là, regarde comment il a évolué. Dans quoi? Dans la science de la législation? Dans la sunna? Dans la voie du plaisir? Là. Dans quoi? Dans le soufisme. Et du grade de sympathisant, du simple sympathisant, il est devenu quelqu'un qui a donné l'allégeance. Et qui a pris le dhikr. Qui a pris le wird. Hein? ويقول الشيخ النجمي حفظه الله تعالى ليهنأ جماعة أو جمعية الإخوان عراقتها في الصوفية وانتماؤها لها بانغماس مؤسسها في التصوف، وكونها خلفت جمعية صوفية حصافية لتقوم بدورها وتؤدي غرضها. فالله الله يا موحدون في عقيدة التوحيد لا تضيعوها أو تميعوها. اقرأوا القرآن وانظروا ما فيه عن الشرك والمشركين من التحذير منه والوعيد عليه. اقرأوا آية واحدة: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأضيف إليها قول الله سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الشيخ النجمي حفظه الله تعالى دي كلا كي سانكيت با لي فرير مسلمون لاسوسيسيون دي فرير مسلمون ils ont et qu'ils soient heureux ils ont leurs racines plantées dans le soufisme. Ils appartiennent au soufisme, ce sont des adeptes du soufisme. Parce que le fondateur, il est plongé de la tête aux pieds dans le soufisme. Et parce que l'Ikhwan al-Muslimin, il a été créé pour remplacer qui? Pour remplacer un groupe soufi. Une association soufi, qui est l'association de bienfaisance Safit. Et pour faire les mêmes fonctions. Hein? Pour remplir le même rôle. Et il dit: ô monothéistes, défendez votre monothéiste. Hein? Défendez le monothéisme et cramponnez-vous au monothéisme. Et lisez le Coran. Et regardez ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit de l'associationnisme et des associateurs. Regardez les avertissements que Allah subhanahu wa ta'ala fait contre l'associationnisme et contre les associateurs. Et lisez un seul verset. Et les mosquées sont à Allah. N'invoquez d'autre qu'Allah. Uniquement. Invoquez qu'Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. Et rajoutez à ça l'autre verset qui dit: il t'a été révélé. Il y a ceux avant toi. Si tu associes, c'est-à-dire si tu fais un associé à Allah Azza wa Jal, ton acte va être avili. Tes actes vont être avilis, non avenant. Et tu seras parmi les perdants. Et tu vas être parmi les perdants. ويقول حفظه الله تعالى: اقرأوا السنة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته لتروا كيف دعا إلى نبذ الأوثان وكسر الأصنام وتوحيد الملك العلام. ثم اقرأوا عن الصوفية لتروا ما فيها من شرك عظيم وتأليه للشيوخ، بل لتروا ما فيها من دعوة صريحة إلى وحدة الوجود وإيمان بها. واعلموا أن الشرك والبدع أمور طبيعية عند المتصوفة، كل المتصوفة لا يسلم منها حسن البنا ولا غيره. وإن خالجكم شك في صدور الشرك منه، أي من حسن البنا والبدع، فإليكم هذا الخبر. وإن شككتم في صحته فراجعوه في المصدر الذي نسب إليه. الشيخ de nous conseiller dit: lisez l'authentique de la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام. Lisez la biographie de Mohammed عليه الصلاة والسلام. Et regardez la da'wah de Mohammed عليه الصلاة والسلام. Vous allez voir comment il a appelé vers l'accomplissement du monothéisme. Et comment il a combattu l'associationnisme, l'adoration des idoles, l'adoration des statues. Et il a appelé vers le fait de réserver le culte exclusivement à Allah عز وجل. Et lisez ce qui concerne les soufis. Et vous allez voir l'associationnisme, le grand associationnisme, ces jeux. Et on va aller voir comment ils font de leurs chouyours des divins, des dieux. Comment ils adorent leurs chouyours. Et vous allez voir dans le soufisme comment ils appellent vers l'unicité de l'existence, c'est-à-dire la créature c'est Allah et Allah c'est la créature. Il n'y a pas de différence entre le créateur et la créature. Les deux, c'est la même chose. La créateur et le créateur, ce sont eux la divinité. Aucune différence. Comment ils appellent à croire en ceci? Il faut savoir, dit Cheikh ici, que l'associationnisme, les innovations, c'est quelque chose de naturel chez les soufis. Tous les soufis, même Hassan al-Banna n'est pas épargné de ça. Hassan al-Banna autre n'est pas épargné. Il a dit: si vous avez des doutes, où là vous avez des irritations de vos poitrines, hein, le fait que il y a de l'associationnisme qui a, que Hassan ibn est tombé dans l'associationnisme, a commis de l'associationnisme, où là il a propagé le bidar et il a accompli le zibar. Voici la nouvelle qui vient directement du livre. Et allez vous-même lire dans les livres. Les livres qui sont écrits par qui? Par eux-mêmes. Eux-mêmes. C'est eux les témoins. Eux-mêmes directement, ils attestent. Ils l'ont écrit. Et c'est rentré dans l'histoire et les livres sont là. Ils ne peuvent pas les renier. Il y a un chat, ça s'appelle un chat. On ne peut pas donner d'autres significations aux mots. Hein? Mais pas à donner des significations. Ça veut dire ce que ça veut dire dans la législation, ce qui est écrit. Non, ils n'ont pas voulu ça. La yakha al-islam, ils ont voulu quoi? Tu vas nous créer un autre lexique? Un autre dictionnaire? Tu vas nous donner d'autres significations que n'en sont pas? Tu veux changer la langue ou quoi? Naqala Jabir Rizq, fi kitabi, Hassan ibn Nabi aqlam talamidati, wa mu'asireh, safha 70, ila safha 71. من الصفحة 70 وعليكم السلام ورحمة الله إلى الصفحة 71 عن مجلة الدعوة فبراير 1951 ميلادية حديث عبد الرحمن البنا عن أخيه حسن. السند من أين؟ من عبد الرحمن شقيق البنا إلى حسن، يأخذ عن حسن على طول. قال فيه: وعقيب صلاة العشاء يجلس أخي حسن البنا إلى الذاكرين من جماعة الإخوان الحصافية. ها؟ ماشي جماعة الإخوان المتدارسين لكتاب التوحيد ولصحيح البخاري ولصحيح السنة، لا، إلى الإخوان الحصافية، وقد أشرق قلبه بنور الله. قاعك كيفاش؟ حليته ولقيتي فيه النور. فأجلس إلى جواري من؟ أخوه. نذكر الله مع الذاكرين، وقد خلى المسجد من أهل إلا من أهل الذكر، إلا من الصوفية بحالهم، وخبأ الصوت إلا ذبالة من سراج، ما تسمعيش شميعة تطرطق مسكينة، وسكن الليل إلا همسات من دعاء أو ومضات من ضياء، وشمل المكان كله نور سماوي، ولفه جلال رباني، وذابت الأجسام وهامت الأرواح، وتلاشى كل شيء في الوجود، ها وحدة الوجود في الكلام، والمحى وانساب بصوت المنشد في حلاوة وتطريب. عندهم المنشدين، هذيك نرى الدار البروسيل والمنشد ديال جماعة ياسين بتهمة الزنا في المغرب، منشد جماعة ياسين ولا عندهم داك الشيء عادي وظيفة، ها منشد، ها هذا بروسي في المحكمة قضية الزنا وما أدريه، سبحان الله. إيه وهذا الكلام قاله عبد الرحمن البنا شقيق حسن البنا بعد مقتل أخيه بثلاث سنوات تقريبا. الأخ يشهد على أخيه ويقول هذا الكلام بعد مقتل البنا بثلاث سنوات فقط. donc voici maintenant écrit par eux-mêmes témoignage de la maison. Ils ne connaissent ce qu'il y a de la maison que celui qui fait partie de la maison. Hein? Quelqu'un autre que les frères responsables du centre de Furqan savent ce qu'il y a dans le Furqan, dans le centre de Furqan? Là. Au moins, ils sont mieux à savoir. Au moindre coin, ce qu'il y a dedans. Ben, la même chose ici. Les disciples, et ceux qui sont Ikhwan, parmi les disciples qui ont été éduqués par Hassan al-Banna, etc., les écrivains, qui ont écrit, qui sont Ikhwan, ben au moins ils savent mieux ce qu'il y a dans la maison. Hein? Donc, le témoignage, il est pris de chez eux. Le livre Hassan al-Banna, par les plumes de ses disciples, de ses élèves et ses contemporains. Et Allah. Page, de la page 70 à 71. Et ceci est pris dans Majellat al-Dawa. Février 1951. Tu peux tout vérifier. Le discours est de Abd al-Rahman al-Banna, le frère de Hassan al-Banna. Il a dit, et après, le frère de Hassan al-Banna, il dit, écoute ce qu'il dit. Et après Salat al-Isha, mon frère s'assoit, c'est-à-dire Hassan al-Banna, aux invocateurs, à ceux qui font dhikr avec les frères Hussafit, qui ici se réunit. C'est un majlis autour de Cheikh Abdel Mohsen Labbad pour étudier Sunan Abi Daoud. Là, c'est un majlis autour d'Yad Dhikr Hussafi. Autour du dhikr et des frères qui font dhikr selon la secte d'Yad Hussafiya. C'est pas un cercle d'enseignement de Fath al-Majid. L'interprétation de Kitab Touhid. Ni l'interprétation d'Yad Sahih al-Bukhari autour d'un nom de science. Là, autour que dhikr d'Yad Hussafiya. Et il dit maintenant, regarde. Et mon frère s'assoit. Alors son cœur est illuminé par la lumière d'Allah. Tu l'as ouvert pour savoir qui est, quelle est la lumière qui l'est illuminée. Tu l'as ouvert ou quoi? Et je m'assois à côté de lui. Qui? Abd al-Rahman al-Banna s'assoit à côté de son frère. Avec ceux qui invoquent. À la mosquée, il n'y a plus personne dedans sauf ceux qui invoquent. C'est-à-dire que le commun des musulmans et ceux qui ne sont pas adeptes de la secte, qui sont partis, qui restent entre eux, les adeptes de la secte, ceux qui ont fait l'allégeance et les sympathisants. Il n'y a plus de bruit dans la mosquée, à part le bruit de la cierge qui se consomme. La bougie qui se consomme. Et la nuit est devenue très calme, on n'entend que les chuchotements d'un dua et certaines illuminations de temps en temps, tu sais, des fois la bougie, il réduit sa lumière, tout d'un coup il fait, c'est ça, il te décrit la situation comment il est, comme ça tu baignes dans la situation pour voir, essaye de t'imaginer un petit peu, transporte-toi un petit peu, pour vivre un petit peu à la Walt Disney chez l'Ikhwan. Et l'endroit est envahi, illuminé par une lumière céleste. Et la majesté divine a couvert, a entouré l'endroit. Subhanallah. Qu'est-ce que ça veut dire? Et les corps se sont anéantis. Et les âmes se sont avilies. Ils se sont perdus. Ciao, Hamet. Et toute chose qui a dans l'existence a disparu. Tout a disparu. Tout s'est fondu l'un dans l'autre. Et ça, c'est la croyance de l'unicité de l'existence. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a dans le venir est devenu un seul, le créateur. C'est la créature et ainsi de suite. Et la voix du Munshid, ils ont le Munshid, il a une fonction, c'est pour ça que les grands chanteurs maintenant, souvent les grands chanteurs que tu as, les grands qui ont marqué l'histoire de la chanson égyptienne, etc., dans les années 70, etc., c'était des anciens Munshid du Jamaat al-Ikhwan ou là d'une secte soufie. Il n'y a pas très longtemps au Maroc, à l'été dernier, il y a le procès du Munshid du Jamaat al-Yassini. Le Munshid, je ne savais pas qu'ils avaient. Wallah, je ne savais pas. Un jour, je vois le journal dans les mains d'un frère, je vois le procès pour Zina, etc., adultère du Munshid du Jamaat al-Yassini. D'où il le tient. Tu vois comment ils sont calqués les uns sur les autres. Comment les Yassiniens, ils sont la photocopie d'Yel et Juan. Donc, il a c'est la tam. Ces paroles sont de qui? Ces paroles, ce sont de Abd al-Rahman al-Banna. Et ces paroles, il les a dites 3 ans après l'assassinat de Hassan al-Banna. Mais le pire est arrivé maintenant. وكل شيء، وذابت الأجسام وهامت الأرواح وتلاشى كل شيء في الوجود وانمحى وانساب بصوت المنشد في حلاوة وتطريب. الله قل وذر الوجود وما حوى، إن كنت مرتادا لبلوغ كمالي فالكل دون الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال. الكل دون الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال. مثلا ما كان شيء، يلا كي الله الإنسان الحيوان كل شيء الله، هذا شيء ولي كي. Et le pire est arrive maintenant. Quand il te décrit cette scène, comme quoi, ça y est, tout est pris par l'atmosphère des lieux. Et par, hein? Après cette mise en scène, il te dit, et le chanteur du groupe dit ceci. Il dit, Allah dit, il laisse tout ce qu'il y a dans l'existence, il laisse l'existence et ce qu'il y a dans l'existence. Si tu veux arriver à l'état de ma situation d'être parfait. Hein? Car tout en dehors d'Allah, si tu l'authentifies, il n'existe pas dans le détail et en général et globalement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu c'est la créature et la créature c'est Allah. فالكل دون الله إن حققته. Tout en dehors d'Allah, si tu l'authentifies, si tu l'observes, عدم على التفصيل والإجمال. C'est un néant dans le détail et dans et globalement. Ça veut dire qu'il n'y a qu'Allah. L'animal c'est Allah. A'oudhu billah mimma yaqulun. L'être humain c'est Allah. Le mur c'est Allah. Tout est Allah. A'oudhu billah. Wahdat al-wujud. Unicité de l'existence. يقول الشيخ النجمي حفظه الله هذان البيتان ينضحان بوحدة الوجود مع ما فيهما من بدع الذكر الصوفي. وقبل ذلك قول أخيه وتلاشى كل شيء في الوجود وانمحى. هذه عبارات أصحاب وحدة الوجود. الشيخ حفظه الله تعالى de nous dire dans ces poèmes, dans ces deux poèmes, il y a ces poèmes, c'est l'unicité de l'existence. Et dans ces poèmes, il y a des innovations dans l'invocation aussi. Dans ces poèmes, il y a beaucoup d'innovations dans les invocations soufis. Et avant ça, la parole du frère de Hassan ibn Abdelrahman ibn Allah dit que toute chose est s'est lâchée dans l'existence. Et il n'est plus existante. C'est-à-dire que toute chose est devenue une. Allah, c'est la créature et la créature, c'est Allah. Et ça, ce sont des expressions directes de ceux qui croient en l'unicité de l'existence. Les roulades d'Yal Sofia. Et c'est une croyance de mécréance. ونقل أيضا في المصدر المذكور صفحة 78 و71 عن عبد الرحمن البنا قوله وذلك أنه حين يهل هلال ربيع الأول كنا نسير في موكب مسائي كل ليلة حتى ليلة 12 ننشد القصائد في مدح الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وكان من قصائده المشهورة. وفي هذه المناسبة المباركة صلى الإله على النور الذي ظهر للعالمين ففاق الشمس والقمر. كان هذا البيت تردده الجماعة كلها وينشد أخي وأنشد معه هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. أش خليت الله إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم والتي سامح وتغفر ماذا تركتم لله؟ لقد أدار على العشاق خمرته صفرا يكاد سناها يذهب البصر. صلاة الناس داخت سكرات وصلات مشاو. يا سعد كرر لنا ذكر الحبيب لقد بلبلت أسماعنا يا مطرب الفقراء. الفقراء هذا مصطلح عند الصوفية. إننا فقراء. إحنا الفقراء. جماعة الفقراء. الفقيرات. فقراء. وما لركب حما مالت معاطفه لا شك أن حبيب القوم قد حضر. باش عرفتوا حضر؟ لا شك أن حبيب القوم قد حضر. من المراد هنا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف تعلمون أنه حضر؟ خرج من القبر وأتى إليكم. ها؟ دونك دو لو ميم ليفغ توجور لو ميم ليفغ. هذا حسن البنا par les plumes de ses élèves, de ses contemporains. Écoute. Toujours la page 70-71. Et il a dit, il rapporte d'Abd al-Rahman al-Banna, sa parole qui dit, et quand apparaît le croissant lunaire du mois de Rabi' al-Awwal, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'ils font les innovateurs pendant le mois de Rabi' al-Awwal? La fête du Mouloud. Yeah. Nous marchions dans le cortège du soir, chaque soir. Dès début du mois de Rabi jusqu'au 12 du mois de Rabi, il marche chaque soir en cortège. À tel point, dis-toi bien, une fois ces cortèges, tellement ils sont grands, l'armée britannique à cette époque les gardait, les cortèges. Ils refaisaient le passage. À ton avis, pourquoi? Réfléchis. Hein? Et il marchait avec le cortège. Et qui est à la tête? Ah. Hassan al-Banna. Il dit, nous chantions ces chansons, nous récitions ces poèmes. Et il dit, parmi les poèmes qu'on disait à cette occasion, Binit. Allah a fait la prière sur la lumière qui a apparu au monde. Et cette lumière est plus que le soleil et la lune. Qu'est-ce qu'il veut dire par cette description? Mohammed alayhi salatu wasalam. Il dit ce vers là que je viens de traduire. Tout le groupe le répétait. Et il dit, et mon frère disait ça et je le disais avec. Hada, c'est particulier, ok? Bah écoute, tawam, les catastrophes. Voici, l'aimé des gens est arrivé. L'aimé dit l'Ahbab. L'Ahbab, eux, leur groupe. D'où, les Khoa Adal Tabler, ils appellent leurs disciples comment? L'Ahbab, le Kiram. Hein? Terme Sophie. تشابهت قلوبهم فتشابهت ما فترادفت ما مصطلحاتهم. Leur cœur se ressemble et donc leurs terminologies sont identiques, ils sont synonymes. Voici l'aimé de ceux qui aiment qui est arrivé et il a pardonné à tout le monde ce qui est passé et ce qui leur est arrivé. Subhanallah, qu'est-ce que vous avez laissé à Allah? De qui ils disent qu'il a pardonné? Ils disent que Mohammed est arrivé et qu'il a pardonné à tout le monde. Qui pardonne? Qu'est-ce que vous avez laissé à Allah en tout? Et il a tourné aux gens, c'est-à-dire les gens, il les a saoulés à main. Et après il appelle quelqu'un parmi les gens et dit « Ya Saad, oh Saad, répète-nous, répète-nous. Révoque pour nous le Habib, c'est-à-dire Mohammed alayhi salatu wasalam, car tu as perturbé notre vie, ô toi qui chantes pour le fuqra. Le fuqra, le faqirat, ce sont des termes utilisés par les sectes soufis. Ils disent des hommes fuqra, ils disent des femmes le faqirat. Jama'at le faqirat, jama'at le fuqra. Et il dit, ils disent, pourquoi Ada, le cortège se penche? Hein? Il n'y a aucun doute. Ils disent, parce que, qu'est-ce que ça veut dire, ils se penchent? C'est-à-dire qu'ils sont rentrés en transe, ça y est, ils sont saouls. Ils sont arrivés à l'extase. Donc, quand ils sont dans leur évocation, la ilaha illallah, et ça tombe dans tous les sens, ça y est, ils sont saouls, ça y est. Hein? C'est ça. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés, ils sont arrivés à l'extase. Hein? Ils sont rentrés en transe. Et il dit, quand ils arrivent à ce stade-là, qu'est-ce qu'il dit? Il n'y a aucun doute que l'aimé des gens est arrivé. Subhanallah, comment il arrive? Comment il peut sortir de sa tombe et venir vous voir? Comment sa tombe peut rester vide et venir vous voir, vous? Qu'est-ce que vous dites? Ça veut dire que ceux qui vont faire salam à Rasulullah alayhi wa sallam dans sa mosquée devant sa tombe, ils vont saluer du vide? Qu'est-ce que vous dites? Vous avez des raisons, là ou alors? Et il a dit vrai, Shqiri rahimahullah ta'ala, qui est un savant égyptien, il a dit, دون كتاب السنن المبتدعات. هل من عقول تباع فنشتريها لهؤلاء؟ Est-ce qu'il y a des raisons qui se vendent pour les acheter à ceux-là? Ils n'ont plus. Ils n'ont plus de raisons. وهذا كله بمناسبة ماذا؟ المولود. المولد. والمولد في شهر الربيع الأول كما يزعم من يحتفل به. Et tout ça, ils le font pendant que... À quel moment ils chantent ceci? Au moment où ils prétendent que ils aiment Rasul Salah Hussein, ils font cette fête innovée. Et ceux qui font cette fête, disent que prétendent que Rasul Salah Hussein est né pendant le mois de Rabi' al-Awwal. فتأمل معي بارك الله فيك كم في هذه الأبيات من المحظورات والبدع والخرافات. وهنا سؤال, من يقصدون بقولهم أن حبيب القوم قد حضر؟ يقصدون به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا نعلم كذلك أن الياسينية التي تتأسست على نمط الإخوان وعلى طريقة صوفية يزعمون أنهم يرون النبي صلى الله عليه وسلم يقظة, وأن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر مجالسهم المسمات بمجلس النصيحة. وما هو ما هي بمجالس نصيحة؟ مجالس مجالس الفضيحة أو مجالس تغفيل يغفلون الناس. وكذلك يقولون أن أبا بكر وعمر يحضروا مجالسهم. كذب كذب, ويلعبون على عقول الناس وعلى السدج من هذه الأمة. وتأمل قولهم وسامح الكل. النبي يسمح يا جماعة؟ النبي يسمح من الله عز وجل؟ من يغفر الذنوب؟ من يغفر الذنوب إلا الله؟ أين عقولكم؟ مزيت فيك مبارك الله فيك. كم بيان il y a de catastrophes dans ces vers que l'on vient de citer. Combien il y a de dons d'innovation? Combien de catastrophes au niveau des croyances? Qu'est-ce qu'ils veulent dire par l'aimer des gens? Ils veulent dire avec le prophète, alayhi salam. Partons de là, tu sais, aussi que les yassinites du Maroc disent que Mohammed, alayhi salam, parce que les yassinites, c'est une réplique d'El Ikhwan, avec un aspect de marocain. C'est une réplique. Et aussi, il marche sur une voie sauvée aussi, les Yassiniens. Les Yassiniens aussi prétendent voir le prophète alayhi salam au éveil. Et que le prophète alayhi salam assiste à ce qu'ils appellent leurs assises de nasiha, du conseil. C'est pas des assises de nasiha plutôt. C'est des assises pour induire les gens en erreur. Et pour jouer avec les esprits des gens. Ils disent qu'Abou Bakr Siddiq et Omar assistent à leurs assises, etc. Et médite leurs paroles. Il a pardonné à tout le monde. Est-ce que Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam pardonne à qui que ce soit? Qui pardonne? Allah Azza wa Jal. Regardez à tel point où est-ce qu'ils sont arrivés. يقول الشيخ حفظه الله تعالى قلت في هذه الأبيات ومقدمتها بدع. أولها بدعة الاحتفال بالمولد. ثانيها بدعة إنشاد المدح بصوت جماعي. ثالثها زعم الصوفية أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر احتفالاته من مبتدعة. وهذا كذب عليه الصلاة والسلام. كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عامل الله من اختلقه وصدقه بما يستحق. وفيها كارثة كبرى ومصيبة عظمى. وهي إسناد مغفرة الذنوب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. وهذا شرك أكبر مخلد في النار. قال تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله. وفي الحديث القدسي علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به. وتوفي البناء اغتيالا سنة 1900 49. Donc, regarde, Cheikh ici de nous citer les catastrophes qu'il y a dans ce poème. À la tête de cette catastrophe, il y a les innovations. La première des innovations, il y a le fait de créer une fête, qui est la fête d'El Mouloud, qui est une innovation. Il y a aussi deuxième point, c'est chanter des poèmes avec, en faisant des légendes avec une seule voix, en synchro. Troisième innovation, c'est que les sophies prétendent que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam assiste alors à leur fête d'El Mouloud, cette fête innovée. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam va assister à l'innovation. Et ça, c'est un mensonge. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala châtie comme il se doit celui qui l'a innové et celui qui l'a pris comme véridique. Il y a aussi une grande catastrophe. C'est qu'ils ont attribué à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam comme quoi il pardonne les péchés dans leurs paroles et il pardonne à tout le monde ce qui s'est passé. Et ça, c'est un grand associationnisme. Si on meurt sur cet associationnisme, on est éternellement au feu de l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, qui pardonne les péchés sinon Allah? Il n'y a qu'Allah qui les pardonne. Dans le hadith Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala, comme le rapporte Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, mon serviteur sait qu'il a un Seigneur qui pardonne le péché et qui châtie avec le péché. Il benna, il est mort au l'an 1949-2 de l'Égir. Donc, l'heure de l'Aïcha est bientôt, yak. On va arrêter là, Inch'Allah. Subhanakallah, wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Sallallahu alayhi wa sallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum, ahsanallahu alaykum, wa jazakumullahu khairan.